Alléluia. Que notre Dieu soit loué. Mungu wetu asifiwe. Je vous salue encore dans le nom merveilleux du Seigneur Jésus-Christ. Na misalimia tena katika jina la damani la Bwana wetu Yesu Kristo. Le frère Kalemba. Du Kalemba. L'assemblée de Gomsi de là chez nous. Ya wa makutano wa Gomsi kule kwetu. M'a prié aussi de vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ali niomba ni misalimie mu jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Amen. Mettons-nous debout pour lire la parole du Seigneur. Nous lisons dans les livres de Saint Luc. Au chapitre 10. Nous commençons au verset 25. Jusqu'au verset 37. Luc chapitre 10. Luca sura 25 à 27. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Un docteur de la loi s'éleva et dit à Jésus pour le prouver. Mwalimu wa sheria akaamuka na kumuonesha Yesu njoo kumjaribu kumpima. Maître, Bwana, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Ni nini napasa kufanya njoo kuriti uzima milele? Jésus lui dit. Yesu akamuonesha. Qu'est-il écrit dans la loi? Ni nini kwenye kuandikwa ndani ya sheria? Et qui lit-il? Na ni nini kunasoma ndani ya ile sheria? Il répond, akajibu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu utapenda Bwana Mungu wako, de tout ton cœur, kwa moyo wako wote, de tout ton âme, kwa nafsi yako yote, de toute ta force, kwa nguvu yako yote, et de toute ta pensée, na kwa wazo yako yote, et ton prochain comme toi-même. Na jirani ama mwenyewe. Tu as bien répondu. Unajibu mzuri. Lui dit Jésus. Yesu akamuonesha. Fais cela et tu vivras. Fanya hivyo na utaishi. Mais lui voulant se justifier dit à Jésus. Lakini yeye mkupenda kujihesabia akamuonesha Yesu. Et qui est mon prochain? Na jirani wangu ni nani? Jésus reprit la parole et dit. Yesu akabeba sauti na kumuonesha. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Mtu mmoja anatoka ku Yerusalem na kwenda Yeriko. Il tomba au milieu de brigands. Akaanguka mikono ya wajambazi. Qui le dépouillaient. Wakamnyang'anya vyote. Le chargeur de coups. Wakampika mangumi. Et s'en allèrent. Na wakaenda. Le laissant à demi mort. Na wakamwacha karibu hadi kufa. Un sacrificateur qui par hasard moja ule, kwa kubahatisha tu, descendait par le même chemin. Alianza kushuka paka munjia moya moya. Ayant vu cet homme, passa outre. Kisha kuona ule mtu, akapita lwake. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mulawi mwingine naye akapita na akamwona, akapita naye lwake. Mais un samaritain qui voyageait, lakini msamaria moya ule alikuwa msafari, étant venu là, kisha kufika pale, si émis de compassion lorsqu'il le vit. Akaguswa sana na huruma wakati alimuona ule. Il s'approcha, akakaribia, et banda se plaît, na kafunga vilonda vyake, en y versa de l'huile et du vin. Mwangia hapo mafuta na mvinyu. Puis il le mit sur sa propre muti. Kisha akamupandisha pa mpunda yake. Le conduisit à une hôtellerie. Na akamuongoza fahali ya kupangia. Et prit soin de lui. Na akamwangaikia. Le lendemain, kesho yake, il tira deux deniers, akatosha pesa mbili, le donna à Lot, akapatia ule alimpokea, et dit, na kusema hivi, et soin de lui, umwangaikie na umtunze, et ce que tu dépasseras de plus, na ile utatosha kupita paina kwa chia, je te le rendrai à mon retour. Nitakurudishaka wakati utakuwa mkurudia. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé aux mains des brigands? Ni nani kati ya watatu anaonekana kuwa jirani wa karibu ya ule alianguka mikono ya bajambazi? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Ni ule alimfanyia rehema. Répondit le docteur de la loi. Mwalimu wa sheria akajibu hivi. Et Jésus lui dit. Na Yesu akamuonesha. Va. Uende. Et toi fais de même. Uende na wewe ufanye paka hivi. Amen. Amen. Nous demandons au pasteur de prier. Tunaomba pasteur apate kuomba. Seigneur, et notre roi et notre sauveur. Merci de nous avoir aidés pour que nous puissions nous retrouver autour de ta parole. Ce n'est pas que nous sommes des bons gens, mais c'est ta grâce seulement. Nous aussi, nous étions dans le monde, mais toi, tu nous as ouvert les yeux. Na urituvuta kui neno la kweli. Nijua kutufanya ba Kristu bati ya kweli. Neno inasomewa. Haikuandike na mutu hapana. Ni maneno iko inspire. Romo ya mwere anjike maneno. Tunakulomba mujina Bwana Yesu Kristu. Ipate ushuka. Romo ya mwere ile ishike mtumishi wako. Ishike kila dada na kila nduku. Ili we peke upate kwa kuleta ufunulo yayo ndani ya kila mmoja. Na tunakuachia kanisa yote. Mwanzo hata mwisho upate kujitukuza. Mujina lako Bwana Yesu Kristo. C'est dans le nom de notre Jésus Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous continuons avec notre sujet. Il te manque une chose. Et par la grâce de Dieu, on pourrait terminer avec ça aujourd'hui. Pour que demain nous puissions avoir autre chose. Alors, bien-aimé, c'est toujours le même dossier. C'est toujours le même dossier. Ipaka ile mambo moya moya. La vie éternelle. Uzima ya milele. Mais ici, lakini apa, c'est un docteur ni mwalimu de la loi wa sheria qui est allé devant le Seigneur. Ule alienda mbele ya Bwana. La Bible dit, Biblia inasema, un docteur de la loi, mwalimu moya wa sheria, s'éleva et dit à Jésus. Akalamuka na kumuonesha Yesu. Pour l'éprouver. Jua kumupima. Maître. Mwalimu. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Ni nini napasha kufanya ili nipate kuriti uzima milele? La Bible dit, il dit cela pour lui éprouver. Biblia inasema, aliulize ile ulizo njoo tu akumujaribu Yesu. Jésus lui dit, Yesu akamuonesha, tu connais le commandement? Unajua amri. Tu connais la loi. Unajua sheria. Qu'est-ce que tu as toujours lu? Ni nini unasomaka kila mara? Oh, il connaissait les écritures. Alijua kamandiko ni Bwana. Il était doué avec les écritures. Alikuwa shakuyua zaidi kabisa maandiko. Il dit, akasema, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Utampenda Bwana Mungu wako. De tout ton cœur. Kwa moyo wako wote. De toute ta force. Kwa nguvu yako yote. De toute ta pensée. Kwa wazo yako yote. Et ton prochain. Na utapenda vile vile jirani wako ama wewe mwenyewe. Avec beaucoup d'insistance. Na mkazo kabisa. Jésus lui dit. Yesu kamonesha. Tu as bien répondu. Unajibu mzuri. Fais cela et tu vivras. Ufanya vile na utaishi. Mais lui n'était pas satisfait. Lakini yeye akufurahiwa hapana. Mais qui est mon prochain? Sasa jirani wangu ni nani? Alléluia. Amen. Ici maintenant. Hapa sasa. Jésus commence à lui parler en parabole. Yesu anaanza kusema naye katika fumbo. C'est au verset 28. Non. Au verset 30. C'est là où la parabole commence. Comme j'avais dit la fois passée, le jeune homme, ce n'était pas une parabole. Et ici, ce docteur était un pharisien. Mais maintenant, la réponse du Seigneur Jésus-Christ, c'était une parabole. Il dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu de brigands. Qui le dépouillait. Le chargeait de coups. Et s'en allait. Le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui descendait par le même chemin. Lui a vu. Il passa outre. La capine capita pembeni loake. Un Lévite Mulawi mwingine qui descendait par le même chemin. Na anaanza kupita kwa mule njia moyo. Lui a vu. Kisha kumuona. Passa outre. Akapita pembeni. Mais un Samaritain qui voyageait. Lakini msamaria mmoja anaanza kusafiri. Et arrivé là. Kisha kufika pale. Il fit émis de compassion lorsqu'il le vit. Akaguswa na huruma sana wakati alimuona. Il banda se plaît. Akafunga bilonda byake. Aliversa de l'huile. Mwangia hapo mafuta na mvinyo. Il est mis sur sa propre voiture. Elle le conduisit dans une hôtellerie. Et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers. Les donna à l'autre. Et lui dit, aie soin de lui. Et tout ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces trois te semble être le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Nani kati ya watatu anaonekana kuwa kwa kwamba jirani ya ule aliyemkoa mikono na majambazi? Le docteur de loi a répondu, mwalimu wa sheria akajibu, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Ni ule alimtendea rehema. Jésus dit, Yesu akasema, viens parler. Unajibu mzuri. Va. Uende. Et toi fais de même. Na wewe ufanye paka hivi. Amen. Amen. C'est une parabole. Ni mfumbo. Qu'on lisait tout le temps quand on était dans les dénominations. Et qu'il continuait à lire là dans les dénominations. Mais nous aujourd'hui, lakini shie leo, Dieu nous a fait grâce. Mungu akatupandia neema. Il nous a envoyé un prophète. Alitumia nabii. Jésus parlait toujours en parabole. Oui, alianza kusema paka mfumbo. Il prêchait, il parlait en parabole. Alianza kuhubiri na kusema mfumbo. C'est pourquoi un jour, njoo kama na siku moja, les disciples lui ont dit, maître, buana, toutefois quand tu parles, kisema, après la prédication, maubiri, tu nous prends, tubeba, tu nous amènes à l'écart, pembeni, tu commences à nous expliquer. Mais tu ne le fais pas pour les règles. Comment ils doivent comprendre? Jésus avait dit, Yesu akasema, il vous a été donné, vous, il mipewa mweye, de connaître le mystère du siri ya ufalme. Mais pour eux, je vais parler en parabole. Afin, quand écoutant, mais tu ne comprennes pas. Et que je ne les sorte. Donc, mon frère, ma soeur, Dieu nous a fait grâce. Mungu alitufanyia neema. Alors, par la grâce de Dieu, kwa neema ya Mungu, nous allons parler de ce parabole. Tutasemea njua ifumbo. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Mutu mmoja anaanza kushuka kutoka Yerusalemu na kwenda Yeriko. Jérusalem était construit au-dessus des montagnes. Yerusalemu ilijengwa juu ya mlima. C'était le mont Morija. Ilikuwa ni mlima Morija. Et tous ceux qui allaient adorer. Na wale watu wanaanza kwenda kuabudu. Ils montaient. Walikuwa ni mkupanda. Pour aller. Juu ya kwenda. Adorer. Kuabudu. Aller rencontrer Dieu. Kwenda kutanishana na Mungu. Alléluia. Amen. Ne soyez pas distrait. Musilingame. Jérusalem. Jérusalem. Au départ. Mwanju. Ça s'appelait Salem. Ilikuwa naitwa Salemu. C'est-à-dire la paix. Nikusema salama. Ville de paix. Muji ya salama. Jérusalem. Jérusalem. C'était la ville de paix. Ilikuwa ni muji ya salama. Jérusalem. Jérusalem. C'était le lieu saint. Ilikuwa ni mahali takatifu. Dans le monde entier. Ulimwengu mzima. Il n'y avait pas une ville sainte. Akukwake muji takatifu. Dans le monde entier. Ulimwengu mzima. C'était seulement Jérusalem qui était la ville sainte. Ilikuwa paka Yerusalemu ndio ilikuwa muji takatifu. Pourquoi? Juu ya nini? C'est là où se trouvait le lieu saint. Ndio kule kulipatikana mahali takatifu. À Jérusalem, Jérusalem, c'est là où se trouvait l'arche de l'alliance. Amen. Amen. À Jérusalem, Jérusalem, c'est là où se trouvait la gloire de la Shekinah. À Jérusalem, Jérusalem, c'est là où la colonne de feu descendait. Maintenant, regardez un peu tous ces avantages. Le lieu saint. La ville de paix. Muji ya salama. La gloire de la Shekinah. Utukufu ya Shekinah. Là, il y avait la colonne, descendait la colonne de feu. Kule nguzo ya moto ilianza kushukaka. L'arche de l'alliance était là. Sanduku ya gano ilikuwa kule. Et l'arche de l'alliance typifie la parole. Na sanduku ya gano inaonesha neno. Et cet homme était là. Na huyu mtu alikuwa pale. Avec toutes ses avantages. Na ile mafaida yote. Mais maintenant. Lakini sasa. Lui quitte Jérusalem. Ye, anatoka pu Yerusalemu. Pour aller. Juu ya kwenda. À Jéricho. Ku Yeriko. Il était mal parti. Alitoka mbaya. Il était mal parti. Il a abandonné le lieu saint. Il a abandonné la gloire de la Shekinah. Il a abandonné la paix. Aliacha salama. Il a abandonné la présence de Dieu. Aliacha wepo wa Mungu. Pour aller à Jéricho. Kwenda ku Jéricho. Mais Jéricho c'est le péché. Jéricho si zambi. Jéricho c'est le monde. Jéricho ni ulimwengu ni dunia. Jéricho c'est la malédiction. Jéricho ni laana. Donc ça, c'est un chrétien qui est dans la présence de Dieu, un frère, une sœur qui a reçu la parole, qui a trouvé vraiment la vérité, mais il abandonne la vérité pour rentrer dans les morts. Alléluia. Amen. Il était mal parti. Yeye alifanya mubaya. Il lui manquait une chose. Kulimkosewa kitu moja. Il était à Jérusalem. Alikuwa mu Yerusalema. Dans la présence de Dieu. Uwepo wa Mungu. Et il était là en paix. Na alikuwa pale msalama. Vous voyez? Unaona? Mon frère. Ma sœur. Quand vous abandonnez Jésus. Wakati unamwacha Yesu. Quand vous abandonnez la parole. Wakati unaacha neno. Vous ne serez jamais en paix. Utakuwaga kama msalama. La paix est en Jésus-Christ. Salama iko ndani ya Yesu Kristo. Amen. Amen. Amen. Amen. C'est pourquoi il était tombé au milieu des brigands. Il était mal parti. Il a abandonné la parole. Lisons les prophètes. La prédication. Pourquoi les gens sont si ballottés? Ou les voiles intérieures. C'est la même prédication. Paragraphe. Nukta. Pourquoi les gens sont aussi ballottés? Paragraphe 48. Nukta makumine na je dis, la foi chrétienne est basée entièrement sur le repos. Imani ya Kikristo inajengwa kabisa kabisa yulu ya mapumziko. C'est juste. Ni vya kweli. Un chrétien n'est pas balloté. Kristo ana wa kutankatanka. Un chrétien ne court pas d'un lieu à un autre. Un chrétien ne s'agite pas. Un chrétien ne s'emporte pas. Un chrétien ne s'inquiète pas. Un chrétien se repose. Tout est terminé pour lui. Pour le croyant, tout s'est terminé au calme. Alléluia. Amen. Un chrétien n'est pas balloté. Non. Apana. Un chrétien est au repos. Eko mapumziko. Et la véritable foi chrétienne. Na imani ya kweli ya Kikristo. Se base sur le repos. Sur le repos. Yule ya mapumziko. On ne doit pas être aujourd'hui ici. Hawezi pale uko hapa. Et demain là-bas. Kesho kule. Tantôt dans la sainte doctrine. Kipande mafundisho tasi. Tantôt dans la grâce infinie. Kesho mnema sio mpaka. Tantôt arc-en-ciel et Dieu. Oh muanza kongorojo Mungu. Tantôt Branham et Dieu. Kipande Branham na Mungu hapana. Ça, c'est pas un chrétien. Comme j'avais dit la fois passée, Dieu n'a pas de demi-chrétiens. Dieu a des chrétiens. Amen. Amen. Amen. Amen. Un chrétien se repose. Il ne peut pas être vacillé. Il doit être fondé sur le roc. Amen. Amen. Mon frère, cet homme était mal parti. Et comme conséquence, il était tombé aux mains des brigands. Il était à Jérusalem. Mais il pensait toujours à Jéricho. Ce qu'il n'avait pas compris. Voyons peut-être dit la Bible concernant Jéricho. Nous prenons Josué chapitre 6. Josué chapitre 6. Josué chapitre 6. Nous sommes au verset 26. Nous sommes à la C'est alors que Josué gira ilikuwa wakati sasa Yoshua akalapa en disant kusema hivi maudit soit devant l'Éternel l'homme qui s'élèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Alaaniwe mtu atalamuka mbele ya milele juu ya kujengulula hii mji ya Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier né. Atawekaka misingi na bei ile msingi itakuwa kifo cha mzaliwa wake wa kwanza. Il imposera les portes au prix de son fils plus cher. Na atawekaka milango ile mji bei yao itakuwa ni kifo cha mtoto wake wa kiana sana. Nous connaissons cette histoire. Tunajua hii habari. La ville de Jéricho. Mji ya Jéricho. Après que ça soit brûlé par Josué. Kisha yeye kutomwa na Jéricho. Et Josué avait viré. Na Yoshua alikuwa devant l'Éternel. La iniwe mtu yote mbele wa milele. Celui qui se lèvera pour venir rebâtir cette ville de Jéricho. Alléluia. Amen. Plus tard, beaucoup d'années se sont passées. Nous sommes maintenant au livre de 1 roi au chapitre 16. Beaucoup d'années se sont écoulées et se sont passées. 1 roi chapitre 16 verset 34. Wafalme wa kwanza sura 16 mstari wa 34. De son temps. Wakati yake. Kiel de Bethel. Kiel wa Bethel. Bati Jericho. Akajenga Jericho. Il en jeta le fondement au prix d'Abiram son premier né. Akaweka msingi mubei ya buzima bwa Abiram mtoto wake wa kwanza. Et il imposa les portes au prix de Segou son fils plus jeune. Na akaweka milango ile mji mubei ya buzima selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Kufuatana na neno ile wa milele alisemaka kupitia Yoshua mwana wa Nuni. Amen. Amen. Mon frère, yangu, ma sœur, dada yangu, on ne blague pas avec Dieu. Awachizake na Mungu. On ne blague pas avec Dieu. Awachizake na Mungu. Bien-aimé, wapendwa, quand on te présente la parole, wakati bakuletea neno, devant une situation, mbele ya mambo, et on te dit, na konesha, frère, laissez ça. Acha bile, se compte la parole de Dieu. Ma sœur, dada yangu, acha bile, se compte la parole de Dieu. Acha na neno la Mungu. Dieu n'aime pas ça. Mungu atupendake vile. Mon frère, obtempérez. Si, parlez. Sinon, comme il y a ville, tu auras des conséquences. T'as pas ta matokeo. Alléluia. Amen. Cet homme ne savait pas que Dieu avait prononcé la malédiction pour ce. Y a quoi, Mungu aliweka kalaana. Alors comme elle savait. Non, il fallait construire la ville de Jéricho. Il y a les casse-mêmes, la passe au Zengulula Jéricho. On n'a pas encore, on n'a pas jusque là un lieu pour faire les ambiances. Car il a commencé à creuser la fondation. Son fils est né cadavéré. Quand il a commencé à placer les portes. Son deuxième fils est cadavéré. Pourquoi? C'était un lieu que Dieu avait maudit. Il croit qu'à la phase, il est Mungu Arilani. Amen. Amen. Et au temps de Jésus, na mwakati ya Yesu, cette ville existait encore. Il est Mungu, il croit qu'à côté. Donc Jéricho, nous avons dit, c'est le monde. Ni dunia. Jéricho, c'est le péché. Ni zambi. Maintenant cet homme qui était à Jérusalem, il songeait toujours à Jéricho. Je dois aller à Jéricho. Ici, il n'y a pas moyen de mettre un peu de maquillage. Ici, il n'y a pas moyen de prendre un peu de vin, tout ça. Vignou, pombe. Ne courez pas les risques d'abandonner Jérusalem. Notre Jérusalem, c'est ici. Amen. C'est ici où la parole est prêchée. Le message de l'heure, selon que le prophète l'a prêché, c'est ici où on a des hommes de Dieu établis qui ont la crainte de Dieu. Restez ici. Ne courez pas les risques de quitter ce lieu. Amen. Et je dis à Dieu, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Jérusalem. Restez à Jérusalem pour attendre la promesse du Père. Et nous attendons la promesse de l'enlèvement. Alléluia. Amen. Nous attendons l'enlèvement dans la parole. Amen. Amen. Amen. Amen. Ne courez pas le risque d'abandonner ce lieu. Vous voyez? Cet homme a, je ne sais pas s'il a fait combien d'années. C'est quelqu'un qui devait dire. C'est nous qui avons commencé. Appelez-nous les anciens ici. Alléluia. Amen. On ne refuse pas l'ancienneté. C'est bon. Mais lakini, l'ancienneté, zamani, c'est quand tu es baptisé du Saint-Esprit. Wakati, na tu es né de nouveau. Mara ya pili, ah, pale, c'est ça. Jo, l'ancienneté, ce n'est pas le nombre d'années dans le message. Zamani, aina mbwingi wa miaka mujungi, non. Tu vois, on a dit, quelqu'un qui a fait 20 ans dans le message n'est pas né de nouveau, ni baptisé du Saint-Esprit. Mais quelqu'un qui a fait 10 ans. Né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, qui est l'ancien, c'est celui qui est baptisé du Saint-Esprit, parce qu'il a l'expérience de maîtriser la parole de Dieu. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Alors cet homme, il était mal fait. Maintenant, sasa, quand vous abandonnez la parole, frère, tu ne seras pas en paix. Kwa si vous voyez une soeur, un frère, duku, qui a abandonné ce message, et là, à la cité, il prospère. Tout est bon. Faites attention. Faites attention. Frère, duku, Jésus a dit, je n'ai perdu aucun. Si tu protèges à ta moja. Si tu es un élu, Dieu fera tout pour te ramener dans la foi. Mungu atafanya yote cha kurudisha muimani. Amen. Amen. Et cet homme était un élu. Alikuwa kama mteule. Était un élu de Dieu. Alikuwa mteule wa Mungu. Alors Dieu n'a pas voulu. Sasa Mungu asikupende. Il puisse rentrer dans le monde. Apate kurudia kudunia. Il puisse rentrer à Jéricho. Apate kurudia mu Jéricho. C'est pourquoi il avait mis une barrière. Ndio kwa maana aliweka kizuizo. Amen. Amen. Il a mis une barrière. Akaweka kizuizo. Frère. Duku. Ne courez pas le risque d'abandonner ce message. Ya kwacha ujumbe. Mais il y a des gens, lakini kuko batu, il y a des frères et sœurs, il abandonne le message. Anacha ujumbe, mais lakini, il peut se faire là-bas. Mule anendelea. C'est vrai. Il y a une écriture qui dit il ils sont partis parce qu'ils n'étaient pas de l'autre. Balitoka, balienda, joba kwe betu. Amen. Amen. Amen. Amen. C'est aussi une écriture. C'est comme j'avais dit hier. Un chrétien, c'est une portion d'écriture qui s'accomplit. Alléluia. Amen. Mais mon frère, mon frère, ne cherchons pas que la parole de Dieu s'accomplisse au travers de votre vie d'une façon négative. Amen. Amen. Amen. Amen. Alors mon frère, sasa ndugu yangu, il ne pouvait pas aller loin. Ye akuwezi kwenda mbali. Dieu a mis une barrière. Mungu akaweka kizuizo mbele yake. Nous lisons le prophète. Tukunasoma nabii. Avant que nous puissions continuer. Bila sikuendelea. Nous prenons la prédication l'influence. Tukunabeba mahubiri uvuto. L'influence du 12 janvier 1963. Paragraphe 15. Il dit ceci. Je connais une petite devise que j'ai accrochée chez moi il y a beaucoup d'années. Elle disait quelque chose comme ceci. N'allez à aucun endroit où vous n'aimeriez pas qu'on vous trouve si Jésus venait. Kama Yesu akikuja. Amen. Amen. Amen. Amen. Ne soyez à aucun endroit où tu n'aimeriez pas qu'on te trouve quand Jésus viendra. Wakati Yesu atakuyaka. Pourquoi? Juanini. L'enlèvement n'aura pas lieu à tous les lieux, tous les lieux. Non, frère. Non. C'est pourquoi Jacob avait dit à Joseph, Joseph mon fils, quand je vais mourir, ne m'enterrez pas ici en Égypte. N'osez pas m'enterrer ici. Joseph a dit, oh papa, je connais. Pourquoi Jacob savait que Jacob il y aura une résurrection de mort. Mais que ici en Égypte, cette première résurrection, ici, niet. Amen. Niet. Tu dois aller m'enterrer là où on a enterré mes pères. Et quand même Joseph est mort, quand les Juifs étaient sortis de l'Égypte, on avait amené même ses os. Il savait. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, mes bien-aimés, dans ce temps de la paix, nous devons être attentifs à la parole de Dieu. Ah, il y a de ces endroits, le jour de l'enlèvement. L'enlèvement ne sera, on n'aura pas lié à ces endroits-là. Pourquoi? Il n'y a pas la présence du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est le Saint-Esprit qui va nous mettre en contact avec le Seigneur. Et il dit encore, ne dites rien que vous n'aimeriez pas entrer de Dieu. Donc ne dites pas quelque chose que tu n'aimerais pas vivre quand Jésus viendra. C'est dire les causeries. Vous êtes là en train de parler des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, des choses que le Saint-Esprit n'aime pas dire. Écoutez, des choses qui font éloigner la parole de Dieu. Je n'aime pas le péché. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu n'exauce pas un péché. Ah, il faut être saint dans toute votre conduite. Même dans les causeries. Parlez de la parole de Dieu. Parlez de bonnes choses. Qui continue à votre édification. Amen. Amen. Parlez toujours de ce qui est vertueux. Vous savez les deux disciples dans le chemin de Maou. Ils marchaient. Ah mon frère, je regrette pour ce que les Juifs ont fait pour notre Seigneur. Nous croyons que c'est lui qui va sauver Israël. Mais c'est ça ce qu'on a tué. Ah laissez ça. Ça me donne. Quelques temps après, il voit quelqu'un derrière. Il a dit, de quoi parlez-vous? On lui regarde. Mais tu es le seul en Israël, à Jérusalem. Tu ne connais pas ce qu'on a fait à Jésus, un prophète puissant. Tu nous étonnes, tu ne sais pas. Pour que c'était Jésus. Alléluia. Amen. Vous pouvez me dire, quand vous parlez de Jésus, Jésus viendra. Donc ne faites pas de causerie inutile là. Vous êtes là comme à Kinshasa. Toute la journée. Qui ne parle que Marseille de Bouffe. Marseille va jouer. Oh, Marseille. Barcelone. Oh, Zico. Zidane. Zidane. Un chrétien. Mou-Christou. Il te manque une chose. Et puis, un chrétien qui doit se donner les livres d'aller suivre les matchs de football au stade. Christ, le chrétien qui doit apprendre au stade. Mais voilà, me dit, partout là où il y a la compétition, il n'y a pas le Saint-Esprit là-bas. Et le football, c'est animé d'un démon. Amen. Amen. C'est animé d'un démon. Il y a des frères. Oh frère, nous on ne peut pas aller au stade. Nous on a cru le message. Mais il a amené le stade dans sa maison. Alléluia. Amen. Il a amené le stade dans sa maison. Ah, ça, kiwanja, ya football, quand il y a une coupe du monde, une coupe d'Afrique, wale, kikombe, Afrika, les gens du quartier viennent. Vous pouvez voir. Mais il y a un match aujourd'hui. Leo, kuko, ah, on doit suivre le match. Tu n'as pas fait un match. Bon, là, on n'a pas de courant comme ça, c'est le groupe. C'est ce qu'on disait souvent, qu'on dit souvent chez nous. Ah, pasteur. Pastori. En tout cas, là, il n'y a pas de courage. A... Ah, excusez-nous. Nous savons que vous ne venez pas ça. Mais vous allez pas sortir la télévision. Télévision ça. Frère. Vous allez voir des païens. Bapagano. D'autres appellent les cigarettes. Ils viennent s'asseoir au divan. Ils sont là. Ils sont là. Écoutez ce qui se passe. Quand on joue les matchs, les gens sont très prudents. Ils sont les mouvements. Ils sont les mouvements. C'est tous les Chinois. Quand on marque le but, au stade il te manque une chose. Et quand la sœur va dire, ah chérie, pourquoi tout ça? Ah chérie, pourquoi ça? Ah, reste calme. Ils ne vont pas amener le fauteuil. C'est quelque chose de non-là, tu ne vas pas partir. Il te manque une chose. Amen. Amen. Comme on avait dit hier, une femme enceinte ne mange pas de n'importe quoi. Mais comme toi, tu manges tout, il y a quelque chose qui ne va pas. Il te manque une chose. Alléluia. Amen. Ne courez pas le risque de quitter Jérusalem. Reste ici. Alléluia. Amen. Alors, on l'avait dépouillé, chargé de coups. Et il s'en allait. Il est laissé à demi-mort. Alors, un sacrificateur qui descendait par le même chemin, il arrive. Il était tombé aux mains des bandits. Il passa outre. Suivez très bien. Un sacrificateur. Kohani. Un lévite. Moulaoui. Il arrive là. Naya kapita, akasema, oh. Vous ne voulez même pas regarder. Akupenda ta kuangalia. Il passa. Naya kapita. Pendant que wakati ile, le patient était à l'agonie. Il avait besoin d'assistance. Mais ça, c'est que le serviteur de Dieu. Hein? Qui n'a pas souci de brebis malades. Ah, la Bible a raison. Biblia una sheria. Un sacrificateur qui part avant. Ule kohani moya ule kwa kubahatisha. Quelqu'un qui n'a jamais été mandaté. Ule aya pataka mwito. Quelqu'un mutu qui n'a pas une commission. Ule apakumpatie kazi kwa Mungu. Il n'a rien à donner au brebis malade. Ana na kitu ya kupatia. Et c'était seulement un abat. Na ile ilikuwa tu ni paka kubatisha paka zile tu. Pourquoi mon frère? Ndio kwa maana ndugu yangu. Il y a des ministres d'abat. Kuko batumishi ba kubatisha. Les prédicateurs d'abat. Kuko bahubiri ba kubatisha. C'est pourquoi Frère Branham dit. Ndio kwa maana ndugu Branham anasema. Les prédicateurs sont des embrouillés. Bahubiri bale ni bakuleta tu fujo. Les ministres d'abat. Batumishi ba kubatisha. Ils n'ont rien comme remède à donner aux enfants de Dieu. Abana na kitu sawa daya kupatia watoto wa Mungu. Amen. Amen. Amen. Amen. Un ministre. Mutumishi. Et tout prédicateur ne sont pas ministres. Na wahubiri wote wana watumishi. Frère Branham dit. Quelqu'un peut se tenir du haut de la chair. Il porte un message. Anapeleta ujumbe. Il explique bien avec la connaissance. Ane, mzuri na et les gens comprennent. Mais ça n'a pas de vie. Lakini abina la buzima. Amen. Amen. Ça n'a pas de vie. Aina la buzima. Ça ne peut pas féconder la semence de Dieu qui est là. Ta buzima kuile mbegu iko ndani. Amen. Amen. C'est pourquoi Frère Branham dit. Personne n'a le droit de monter du haut de la chair. Prêchez la parole de Dieu. Si n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen. Amen. Alors, mon frère, sasa, ndugu yangu, si Jésus venait, kama Yesu akikuja, il dira à ses sacrificateurs, na ule kuhani, à ses lévites, na ule mulawi, il vous manque une chose. Unakosewa kitu moja. Il vous manque une chose. Unakosewa kitu moja. Vous n'avez pas été mandaté. Amkupewa mwito. Amen. Amen. C'est ça que dit. Ndugu Frank anasema, Jésus a dit. Yesu alisema, comme mon père m'a envoyé, ça, vile, baba yangu, moi aussi je vous envoie. Na, vile, vile, na, et Jésus a dit, na, Yesu, alisema, je serai avec vous. C'est ça l'appel divin. Il faut que Dieu t'appelle et il t'envoie. Et à ce moment-là, tu es porteur d'un remède. Amen. Amen. Mais un Samaritain qui voyageait, il arrivera, il fit aimer des compagnons. Akabuswa sana na huruma. Lorsqu'il le vit. Wakati akamuona ule. Alléluia. Amen. Notre Dieu est plein de compassion. Mungu na huruma. Il descendit. Akashuka. Et il commença à bander le plaie. Kufunga bilonda. Bander le plaie. Kufunga bilonda. A inversa de l'huile. Na et du vin. Na mvinyu. Alléluia. Amen. Que signifie le vin dans la Bible? Vinyu maana yake nini mu Biblia? Le vin signifie le Saint-Esprit. Vinyu inonesha Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Le non, l'huile signifie le Saint-Esprit. Mafuta ikunonesha Roho Mtakatifu. L'huile dans la Bible? Mafuta mu Biblia. Signifie le Saint-Esprit. Ikunonesha Roho Mtakatifu. Et le vin? Na vinyu. C'est la stimulation. Ni ya kuchamusha. Amen. Amen. Il commença à verser de l'huile et le vin. Akaanza kumwanga mafuta na mvinyo. Il le prit. Akambeba. Et le mit dans sa motille. Na akamweka mule gari. Et le conduisit dans une hôtellerie. Na akampeleka fazi ya kupangia. Suivez bien. Mfuate mzuri. Et signifie l'hôtellerie. Ma fazi ya kupangia ni maana yake nini? Nous lisons le prophète. Tukunasoma nabii. La religion de Jézabel. Dini ya Jezabeli, mahubiri. Paragraphe 18. Nukta 18. La religion de Jézabel. Dini ya Jezabeli. Paragraphe 18. Nukta 18. Souvenez-vous du bon samaritain. Nikumbuke ule msamaria mwema. Qui avait trouvé un homme blessé. Ule alikutana mtu mwenye kuumizwa. Il l'a amené à une hôtellerie. Akampeleka pazi ya kupangia. Qu'est-ce que signifie l'hôtellerie? Hôtellerie maana yake nini? L'hôtellerie c'est l'église. Maana yake kanisa pazi ya kupangia. Et a remis des deniers à l'homme qui était là. Na akapeleka pesa mbili kwa ule mtu alikuwa pale. Et il lui dit. Na akamwonesha ule mtu. Prends soin de lui. Umwangaikie. Tout ce que tu déverseras de plus, yote utatosha ya kupitiliza. Je te le rendrai à mon retour. Nitakurudishia kayo, kurudia kwangu. Ainsi. Hivi. Il a reçu deux deniers. Alipokea pesa mbili. Et il est capable de prendre soin de vous. Na eko na uwezo ya kukuangaikia. Suivez très bien. Ufuate mzuri mzuri. Il a reçu deux deniers. Alipokea pesa mbili. Il est capable de prendre soin de vous. Ye eko na uwezo ya kukuangaikia. Si c'est un homme de Dieu. Kama yeye ni mtu wa Mungu. Si c'est un homme de Dieu. Kama yeye ni mtu wa Mungu. Il a la capacité de prendre soin de vous. Parce que il a ce que Dieu lui a donné. Le deux deniers. Et le deux deniers. C'est l'esprit et la parole. Amen. Comme j'ai dit. Quand un ministre n'est pas baptisé du Saint-Esprit, il ne peut pas monter à la chaise prêcher la parole de Dieu. Quand vous n'avez pas ces deux deniers, l'esprit et la parole, vous ne donnerez jamais la vie. Ce sont des simples discours. Et c'est pourquoi on a eu le chaos dans ce message. Vous allez là-bas, grâce infinie. Vous allez là-bas, division. Vous allez là-bas, planant les dieux. Pourquoi? Des gens qui ne sont pas mandatés. Quand Dieu envoie un ministre, la Bible dit, il a donné aux uns comme apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs. Pourquoi? Pour l'édification du corps. Un ministre. ministère utumishi n'est pas là pour aller semer les désordres. Un ministère utumishi vient pour l'édification du corps. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Je ne peux pas envoyer mandater quelqu'un pour aller semer les désordres, pour aller diviser. Non. Alléluia. Amen. Donc il a la capacité de prendre soin de vous parce qu'il a ce que Dieu lui a donné. Amen. Et quand Jésus a dit je vous envoie, je serai avec vous. Dieu est derrière les hommes de Dieu. Amen. Amen. Amen. Vous voyez qui était ce bon samaritain. Jésus a dit pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu. Ni Mungu peke yake. Ce bon samaritain, c'est le Seigneur Jésus Christ. Amen. Amen. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui donne le Saint-Esprit. C'est lui qui donne la paix. C'est lui qui donne le deux deniers. Amen. Amen. Amen. Amen. Vous voyez, Naona, quand il a pris cet homme, il a versé de lui et il a mis sur sa propre moitié. Dans la Bible, l'animal typifie toujours une puissance. Amen. Amen. Voyez-vous, Mnaona, où est-ce qu'il l'a amené? Il ne lui a pas amené dans un bar. Il n'a pas amené cet homme au stade. Mais il l'a amené dans l'hôtellerie. Amen. Amen. Amen. Et Jésus a dit, personne ne peut venir à moi si mon Père qui est dans le ciel ne l'a dit. Alléluia. Amen. Quand Jésus nous a, quand le Père nous a attirés, quand le Saint-Esprit nous a attirés pour nous amener ici, là où il y a les autres, à qui Dieu a remis les dédaignés, afin qu'ils puissent prendre soin de vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous lisons le frère Franck. Ndugu Frank. Nous prenons la lettre circulaire numéro 45. Vous avez barré à Kuzunguka, Namba, Makumine, Natano. Janvier 1996, numéro 45. Ya Mwenza Kwanja, 1946. Ya Namba, Makumine, Natano. Nous sommes à la page 4. Tu, Kartasi, ya Kiaine. Nous sommes juste au milieu. L'État n'a encore jamais été aussi sérieux qu'à ce moment. Jamais auparavant, il n'y a été nécessaire d'avoir part à la dernière action de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé, ça c'est la dernière action de Dieu. Ya mwisho ya Mungu. Frère, ma sœur, soyez dans la dernière action de Dieu. Upatikane mutendo ya mwisho ya Mungu. À bientôt, sasa hivi, la prédication va terminer. Maubiri itamalizika. Ça c'est la dernière action de Dieu. Mitendo ya mwisho ya Mungu. Nous étions inclus dans le dessein de Dieu. Ya makusudi ya Mungu. Non. J'ai sauté. Na Luka, samani. Dans le dernier action de Dieu. Ya mwisho ya Mungu. Afin que ili l'époux bwana arusi et l'épouse la bibi arusi la tête kichwa et les membres la viungo soient unis. Comment? Comment la tête et les membres soient unis? En parole katika neno et en esprit. Na katika roho. Amen. Amen. C'est toujours le dédaigner. La tête kichwa et le corps, le membre doivent être unis en parole katika neno et en esprit. Katika roho. Alléluia. Amen. Vous savez, unajua, quand Dieu est descendu au jardin de terre, Mungu alishuka bustani ya Edeni, il a rencontré alikuta, Adam était là assis. Adam alikuwa amekikala pale. Comme ça. Na mkono kulichafu. Dieu vient. Mungu akakuja. Il dit, akasema, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Aina mzuri mwanaume apate kwa peke yake. Il lui faut une aide. Inamupasha msaidizi mmoja. Et il a appelé Adam. Adam. Yeah. Kuja. Yeah. Kuja. je vois que tu n'es pas vraiment content. Tu n'es pas mpura, vraiment à ta place, à ton point. Viens. Bon, il a donné l'anesthésie. Notre Dieu, c'est le premier chirurgien. Le premier docteur. Amen. Il a pris ses bistouri. Il a opéré. Il a soutiré côte. Il a fabriqué elle. Après avoir. Marche un peu. Il va que non, viens. Il dresse encore là-bas. Il prend. Il arrange ici. Il arrange. Et vous n'avez pas des oreilles trouées. Alléluia. Amen. Il dit marche un peu. Reviens. Bon, reste là. Quand Adam verra ça, il sera content. Il réveille Adam. Adam se réveille. Regardez là-bas. Voici cette fois-ci. Celle qui est chère de ma chair. Ce de mes os. On l'appellera femme. Alléluia. Amen. C'est Adam qui avait donné le nom directement. Alumpatak awa njina ya mwanamuke. Il a pris Eve. Akambeba awa. Et il a commencé à le faire voir. Akaanza kumuonesha. Ça c'est le lion. Huyu ni simba. Ça c'est l'avocat. Huyu ni avocat. Alléluia. Amen. Et maintenant, c'est le premier Adam. Il kwa kanjo Adam wa kwanza. Le Seigneur Jésus-Christ. Na Bwana Yesu Kristo. Quand il verra les coudes. Wakati ataona bibi harusi. Il dira la même chose. Atasema kitu moya moya. Voici cette fois-ci. Celle qui est parole de ma parole. Et esprit de moi, l'esprit. Alléluia. Amen. Et Jésus-Christ va nous prendre pour régner avec lui pendant mille ans pour nous faire voir tout ce qu'il est allé préparer. Bien-aimés, restez à Jérusalem. Ne courez pas les risques de quitter ce lieu. Si vous quittez ici, il te manque une chose. Il est temps que le Seigneur vous bénisse.